Le Sefer de Jésus ou Évangile de Barnabé. Manuscrit italien et anglais. De l'anglais, The Gospel of Barnaba. Revu et corrigé sur le Coran, la Torah et les prophètes. Troisième édition. Table des matières. Préface. Jean le Baptiste. Le Sefer de Jésus. Descente aux enfers et résurrection. Testament de Jésus.